dans les épisodes précédents. Bon, du coup, c'est quoi notre prochaine... Alors, la prochaine fois, je pense que je vais parler d'un manga aussi assez vieux, 98, et qui ne comporte qu'un seul volume. Ça s'appelle Quartier Lointain, et ça parle de remonter dans le temps. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Non, c'est pas celui-là. Bonsoir à tous, bonjour, bienvenue dans un épisode des Mangateux dans lequel nous retrouverons comme d'habitude notre ami Anthony. Comment ça va Anthony? Salut Seb, ça va et toi? Bah écoute, pressé d'être en vacances, la preuve, je me crois encore dans dans notre ancien podcast, même si j'espère que Florent nous pardonnera de dire que c'est un peu le nôtre aussi. Ah, il me manque ce podcast. J'espère qu'il reviendra un jour, j'espère. Qui sait? Bon, c'est pas le tout, mais apparemment on a quand même une émission à tourner aujourd'hui, et de mémoire, c'est toi qui t'y colle. Oui, c'est bien moi. Et bah dis-moi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors mon cher Sébastien, aujourd'hui on va parler d'un manga en deux volumes qui se nomme Quartier Lointain. D'accord, et ben ça tombe bien parce que je ne connais pas du tout. Donc tu peux me raconter n'importe quoi. Bah en fait c'est moi qui l'ai écrit comme ça en seconde, voilà, je parle de ma vie. Impeccable, dans un quartier lointain où tu te prostitues. Non, c'est pas ça. Trop loin. Arrête de spoiler. Bon, eh ben, écoute, j'ai hâte de découvrir ça. Eh ben, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, comme je l'ai dit juste avant, de Quartier Lointain, qui est un manga de Jiro Taniguchi. C'est un manga du genre seinen, et comme le reflète son nom, c'est une œuvre plutôt tranquille. On est le 9 avril 1998, et l'histoire est celle de Hiroshi Nakahara, un homme de 48 ans. Après une grosse cuite qu'il s'est pris la veille, il se réveille dans un train qui, au lieu d'aller chez lui, le ramène. Oui, ça concorde bien avec ce qui va se passer tout à l'heure, je pense. Après avoir pris une grosse cuite, il se réveille dans un train qui, au lieu de l'emmener chez lui, le ramène dans sa ville natale. Arrivé à la gare, il décide finalement, en attendant le train du retour, de se rendre sur la tombe de sa mère qui, en y pensant, est décédée au même âge. Il reparcourt ainsi les rues qu'il connaissait étant jeune, les souvenirs lui remontant petit à petit jusqu'à arriver au tombeau familial. Ressentant comme un tremblement de terre, Hiroshi a un espèce de vertige puis trébuche. Se sentant bizarre, il trouve son corps plus léger, ne retrouve plus ses affaires dans le cimetière et se demande pourquoi il n'a pas les mêmes vêtements. En redescendant en ville, les ruelles ont changé, les gens aussi, puis, voyant son reflet dans le miroir, il se rend compte qu'il a rajeuni à l'âge de ses 14 ans. Mais pas que lui, le quartier aussi, tout est redevenu comme il y a 34 ans. Ça a l'air trop bien. Comment ça a pu arriver? C'est impossible. Et puis il y a sa femme, ses deux filles. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Il est en train de rêver ou c'est réel? Tentant de comprendre, il se retrouve devant sa maison d'enfance et se retrouve de nouveau face à sa mère, sa sœur, sa grand-mère, puis son père qui disparaîtra lorsque l'été arrivera dans 4 mois. Donc en gros, pas ses yeux. En gros, tu veux dire que là, pour le coup, il a les souvenirs, la conscience de son âge adulte alors qu'il est revenu dans son corps en fait. C'est exactement ça. D'accord. N'en croyant pas ses yeux, il va quand même devoir faire avec pour l'instant et retourner au collège avec son esprit de quarantenaire. Okay. Donc oui, comme tu l'as signalé, en fait, il rajeunit à ses 14 ans, mais il garde son esprit d'adulte. Ça a l'air quand même vachement pratique. C'est un truc que j'ai toujours... Tu sais, en vrai, hein, pour le coup, c'est pas du tout pour essayer de donner de l'eau au moulin, hein, mais c'est un truc que j'aurais trop aimé pouvoir faire ça. Genre retourner des années en arrière et en ayant la conscience de ce que t'as fait, ta vie et tout, pour pas forcément pour changer des trucs, mais au moins pour l'appréhender un peu mieux ou ce genre de choses. Ah mais clairement, et c'est une des choses qui est abordée dans le manga, et je pense que c'est ce que beaucoup de monde En vrai, en vieillissant, on finit par se dire, est-ce que j'aurais mieux fait, bon, une connerie, est-ce que j'aurais dû prendre allemand à la place d'espagnol, est-ce que j'aurais, comment j'aurais pu faire pour parler mieux à cette fille, etc., etc. Et c'est un petit peu attendu sur le ce poids quand j'étais à la salle de sport, ça m'aurait évité de me faire mal au dos. Est-ce que finalement le rugby de façon intensive c'était une bonne idée? Je sais pas. Et toi Seb, du coup, est-ce que tu as déjà lu des œuvres sur le voyage temporel? Alors oui, mais pas du tout du même tonneau. Je pense à un autre one shot en manga qui est basé sur le film, tu sais, avec Tom Cruise là, qui est dans un qui fait un espèce de jour sans fin avec un espèce de mechabot. Oui. Oui, je vois. J'ai pas le nom en tête là, mais oui. Et ben ça, c'est adapté aussi en fait à base, enfin à la base en manga. C'est un c'est un truc en deux tomes. Ouais. Mais j'en parlerai la prochaine fois, tiens. C'est Edge of Tomorrow, non? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et ben en fait, il y a un manga qui est pareil en deux ou trois tomes, je crois. Faut que je le retrouve, mais qui est dans la bibliothèque et je l'avais acheté juste après la sortie du film. Et c'est le même concept. Mais d'accord, du coup, là, ça ressemble pas exactement à ce que toi tu racontes là. Un truc comme ça, à part le jour de la marmotte, non. Bah, le jour de la marmotte, qui est un truc, une boucle, c'est une boucle carrément. C'est une boucle temporelle. Du coup, juste pour en citer deux trois autres, on a Erased. Je sais pas si tu connais. Pareil, c'est un homme qui retourne, qui arrive à retourner, en fait, lui c'est volontaire, il arrive à retourner à son âge d'enfant, ouais. Et en fait, il se rend compte que quand il était enfant, il y a une camarade qui s'est fait enlever et qui a été retrouvée morte, et du coup, il essaie de savoir, en fait, ce qui s'est passé en retournant en enfance. Mais pareil, il garde son esprit d'adulte. Et c'est un livre C'est un manga, et bon, j'ai pas lu, j'ai vu l'animé. D'accord. Et c'est un très bon animé que je conseille. Qu'en 12 épisodes, hein, quelque chose comme ça, il n'y a pas grand chose. Plus récemment, on a Tokyo Revengers. Bon, là, j'ai pas regardé, mais c'est pareil. C'est un homme qui retourne dans son corps de lycéen, une guerre de gang. Ouais. Je me suis pas laissé emporter, là, pour le coup, j'ai pas regardé, mais ça peut être intéressant vu comment tu le présentes. Tokyo Revengers, j'ai regardé un ou deux épisodes, et puis malheureusement, j'ai pas accroché. Et moi, j'ai eu un peu de mal avec ça aussi. On a Orange, un manga qui s'appelle Orange, où là c'est une jeune fille qui reçoit des lettres de son elle futur, mais là je l'ai pas vu le machin. Ok. Mais ça avait l'air bien noté sur pas mal de sites. Et un dernier, ça s'appelle Zipang, et ça aussi c'est un manga que j'ai vu au CDI quand j'étais plus jeune. C'est l'histoire d'un navire moderne de la flotte japonaise qui se retrouve en pleine Seconde Guerre mondiale. Je sais pas. Donc, si bon, j'ai jamais lu la fin d'ailleurs, mais du coup, maintenant, il faudrait que je me repenche un peu plus dessus. Pour en revenir à Quartier Lointain, le manga est en deux volumes, et évidemment, avec les dernières éditions, en un seul intégral. Il est sorti en 1998 au Japon, et en 2002 en France, aux éditions Casterman. Il se trouve encore aujourd'hui, ou il faut aller vraiment le chercher sur des trucs de niche? En vrai, je pense qu'il se trouve encore aujourd'hui, parce que le manga a très bien fonctionné en France. La plupart de ces œuvres, j'en parle tout à l'heure, ont très bien fonctionné en France, contrairement au Japon, où son style était un peu trop lent et il s'est pas vraiment beaucoup fait connaître là-bas. D'accord. Mais à l'international, ça a bien marché. La BD, car en France, l'œuvre est éditée à la française, de droite à gauche. Elle a reçu plusieurs prix à l'international au Japon, en Italie, en France et en Allemagne. Il y a même eu une adaptation au théâtre. Et même un film français en 2010, réalisé par Sam Garbaski. Donc le film, il est vraiment tourné, en Auvergne-Rhône-Alpes, je crois. Et pareil, c'est que des acteurs français, mais l'auteur, il était invité pendant le tournage pour donner des conseils et donner un petit peu son avis là-dessus. C'est marrant quand même. Ah mais clairement. Parlons un peu de l'auteur. Parce que je suis sûr, vous avez peut-être entendu au moins une de ses œuvres. Jiro Taniguchi, c'est un auteur de seinen et de Gekiga, qui est un terme désignant les drames, et il est né en 1947. Il naît dans une famille assez pauvre avec ses deux frères aînés, son père est tailleur, comme dans Quartier Lointain, et sa mère a divers petits boulots. Il est marqué à 4 ans par la perte de leur maison dans un grand incendie survenu dans la ville de Tottori en 1952, chose qu'il relatera encore une fois dans une de ses œuvres, Le journal de mon père. Je ne sais pas s'il a copié Marcel Pagnol, mais on n'est pas loin. C'est possible, ça y ressemble en tout cas. Bon, lecteur de manga dans sa jeunesse, toi-même tu sais, hein, il s'intéresse au genre seinen et gekiga petit à petit, et il quitte la maison à 18 ans pour Kyoto, pour finalement se rendre compte que ce qu'il aime, c'est dessiner des mangas. Il monte jusqu'à Tokyo, où il devient assistant pendant 5 ans. Il publie son premier manga dans les années 70, il fait quelques mangas érotiques, puis il devient l'assistant de Kazuo Kamimura, qui est un grand auteur, dont je n'ai malheureusement pas le temps de vous en dire plus, mais dont Taniguchi tiendra toujours en grande estime. Et en 74, il découvre le style de la BD européenne, et il devient fan de l'auteur français Cocorico, Jean Giraud, alias Mobius, pour les intimes. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, moi de nom je ne le connaissais pas comme ça, mais en fait, c'est l'auteur de la BD de western Blueberry. D'accord. Peut-être que Blueberry, vous en avez entendu parler. Il y a eu un film avec Cassel, bon, ça je le conseille pas. et de plusieurs BD de science-fiction. Il a aussi aidé à la conception sur des films comme Alien et Tron. Et il est l'un des fondateurs de la maison d'édition Les Humanoïdes Associés, qui est éditeur du magazine Metal Hurlant, que vous avez sûrement entendu parler. Ça va, ça j'ai entendu parler, c'est bon. Voilà. Donc, Jirō Taniguchi, bah, il adore son travail à Mobius. Jean Giraud, et il les ramène jusqu'à travailler avec lui sur le manga Icar. Il découvre donc la bande dessinée européenne, le style net, diversifié, va l'influencer, notamment celui nommé Ligne Claire, qui est le style de dessin de Tintin, pour faire simple. Pas Tintin, Tintin. C'est pas grave, on pardonne le lapsus. Donc en 80, Taniguchi prend son indépendance et il s'associe avec des scénaristes comme Natsuo Sekikawa pour des histoires de policiers ou d'aventures dont les œuvres seront grandement appréciées au Japon. Notamment un nommé Autant de Botchan, qui est un manga historique sur la Meijin dont j'ai vu le nom apparaître plusieurs fois. Mais je ne l'ai pas lu malheureusement. Et dans les années 90, il se concentre sur les choses de la vie quotidienne et les relations humaines, et c'est là que sort entre autres Quartier Lointain. Il aime bien parler de la relation entre les hommes et la nature, et en 2000, il adapte en manga un certain roman qui a même eu droit à un film dont vous avez peut-être là entendu parler, et qui se nomme Le Sommet des Dieux. Je vais te décevoir, mais ça dit quelque chose. Pas vu. Non, ça parle d'alpinisme. Ah. Et du coup, même si c'est assez connu, c'est en 2012 que le public japonais le reconnaîtra avec l'adaptation de son manga Le Gourmet Solitaire. Et malheureusement, il nous quittera en 2017, à l'âge de 69 ans, des suites d'un cancer, alors qu'il commençait une nouvelle œuvre. Bon, voilà celle pour notre auteur. J'espère ne pas avoir été trop long. Et encore, j'ai pas approfondi, car on verra ça en deuxième partie avec une analyse de Quartier Lointain. Non, mais tout, par contre, ce qui est surprenant, ouais, c'est qu'effectivement, comme tu dis, c'est quelqu'un qui passe un peu sous les radars par rapport à ses propres œuvres, mais qui a quand même pas mal collaboré avec d'autres personnes, et qui a eu son impact dans le monde du manga, quoi. Ah ouais, le gars a eu pas mal de prix. Il est venu en France, comme j'en ai dit tout à l'heure, il est venu en France pour le film. Il y a eu l'adaptation théâtrale franco-suisse. Et le manga a vraiment bien marché. J'ai pas pris les chiffres, mais si, en France, il a bien marché, le machin. Non, mais j'ai vu, ouais, prix d'excellence, prix du meilleur scénario, c'est... Ouais, c'est pas mal, hein. Donc, voilà pour cette première partie. Et on verra la suite après, et en attendant, Seb, je te laisse t'occuper de la petite pause digeste. Avec plaisir. Comme on en avait déjà discuté la dernière fois, je vous avais promis de revenir un petit peu sur le phénomène de l'alcool au Japon, mais j'avais uniquement parlé précédemment de la diversité du saké et du nombre de brasseries qui étaient en nette diminution. Bon, là aujourd'hui, je voudrais juste étendre un petit peu le sujet, mais sans forcément approfondir, hein, parce qu'on n'a que quelques minutes, et je pense que vous avez aussi hâte de connaître la fin de la chronique d'Anthony. Bon, en vrai... Non, l'alcool, c'est cool L'alcool, c'est cool. Non, on retire ça. Avec modération. Avec modération. C'est juste que, comme je l'ai dit au tout début, le manga est un seul tome. Aujourd'hui, je pense que ça sera rapide. Donc si tu veux broder, il n'y a pas de souci. Alors, je ne vais pas broder des masses, mais on va quand même en parler un petit peu. Je vous avais dit qu'effectivement, l'alcool était quand même en déclin. Enfin, la consommation de saké au Japon était quand même en déclin, parce que ça ne prenait pas tout simplement auprès des jeunes. D'ailleurs, je pense que même en France, on a les mêmes chiffres. Oui. On a une baisse de consommation de l'alcool, bravo à vous. De l'alcool, du tabac, il y a une légère baisse. Enfin, légère. Une baisse. Bon, je pense que si tu regardes sur les 50 dernières années, on doit quand même pas trop mal s'en sortir sur les 10 dernières. Mais bon, oui. Ça c'est un détail. Là où on est quand même sur quelque chose de particulier, c'est que bah, contrairement aux autres campagnes possibles et imaginables, le Japon, lui, a carrément lancé une campagne gouvernementale pour relancer la consommation de l'alcool. Mais du saké, hein, pour inciter les jeunes, en fait, le public cible. Buvez ! Non mais c'est clairement ça, le public cible, c'est entre 20 et 39 ans, tu vois. Pour qu'ils consomment davantage d'alcool. Je crois que j'avais vu un truc là-dessus, ouais. Parce que quand même, depuis 95, faut dire qu'ils ont une chute de la conso qui est de 25%. Ah putain. Donc, mine de rien, ça commence à jouer, hein, donc... C'est... Ah mais c'est... la jeunesse, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ouais, mais c'est ça, mais c'est... Alors, pour autant, c'est assez paradoxal, parce que bien sûr, t'as quand même le ministère de la Santé qui continue de rappeler les dangers de l'alcoolisme, et que même s'il y a des enjeux économiques importants... Parce qu'il y a quand même une fiscalité sur la consommation de l'alcool, c'est évident aussi. Ça reste justement un peu l'ambivalence du truc. C'est un peu comme pour nous en France, si le vin rouge et le vin blanc commençaient à beaucoup moins bien se vendre, bah, on se poserait la question, j'imagine, dans les hautes sphères, de refaire une culture. Enfin, on se poserait la question, j'imagine, de faire... un côté plus joyeux autour ouais. de l'alcool que cette vision qu'on a aujourd'hui de dire bah non justement il faut pas consommer c'est pas bien ah, ça serait vrai pensez à votre santé t'imagines le twist alors que nous on aurait connu ça pendant toute notre vie en mode toutes les pubs tu les connais par cœur de la sécurité routière qui sont ultra trash justement sur le sujet enfin si vous avez j'avoue, je regarde plus trop la télé aujourd'hui, donc je sais pas quel spot passe. Dites-nous dans les commentaires s'il y a encore des pubs sur la sécurité routière qui sont incroyables. Mais je vous jure que nous, dans les années 90 et 2000, on a vu des trucs, mais clairement, c'était glauque à souhait, quoi. Les pubs étaient tellement travaillées et tellement dures que perso, moi, ça me fascinait. Ils sont plus sur la drogue, mais pas tant que ça sur l'alcool en vrai. Ah ouais, non, parce que l'alcool c'était incroyable. Enfin, les publicités ultra morbides. Enfin, ça pour le coup. Pour retourner sur le Japon, c'est aussi un sujet sur lequel ils sont quand même très vigilants. Il y a une sensibilité, des campagnes de sensibilisation qui sont faites au Japon. Il y a vraiment une tolérance zéro au niveau de l'alcool au volant, et même à vélo. Il y a vraiment un truc très très strict, en fait. Même si la cible, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est 25-39, à aujourd'hui, en fait, il n'y a vraiment pas d'alcool pour les mineurs, pas pour les femmes enceintes, comme chez nous, hein. Mais conducteur et à vélo, c'est vraiment le zéro, c'est le zéro absolu quoi. Tu conduis un vélo, hop. Ah non mais c'est cuit, tu peux pas, t'as pas le droit. Donc c'est un rouleur monsieur, c'est un véhicule. Descendez de là. Et ce que je trouve assez paradoxal, justement par rapport à tout ça, c'est que tu vois, il y a quand même cette culture quand tu, enfin. Je sais pas si toi t'as vu quand même beaucoup de films japonais, vraiment. J'en ai vu quelques-uns perso, et vraiment quand tu les vois, ils se mettent des mines. Enfin, ok, dans les films français, tu les vois boire et qu'ils ont un bon coup de. Enfin, ils ont un bon lever de coude. Mais alors. Bien déchiré. Ouais, non mais. Oui, bon, c'est sûr, si tu prends celui-là, c'est évident. Mais je trouve que généralement, il y a. Dans les films japonais, si t'as vraiment un passage sur l'alcool, ils se mettent des races, mais c'est ultra festif, très joyeux, ils crient partout, il faut qu'ils se roulent sous la table et qu'ils vomissent limite. J'ai pas vu énormément de films japonais, du coup, plus des animes, mais oui, t'as déjà cette culture, mais cette idée que après le taf. C'est exactement ça. Les gens du bureau vont boire un coup, mais ils boivent jusqu'à 4h du matin et ils finissent complètement raides. C'est parfait que tu parles de ça en disant que justement après le travail ils vont boire un coup, parce que t'as une série que je recommande qui s'appelle Tokyo Vice, où c'est flagrant. À chaque fois, en gros, il y a ce côté on a bien travaillé, on a eu une journée très difficile, parce que vous savez que les Japonais sont pas aux 35 heures non plus. Et en sortie de bureau, c'est vraiment le ce que tu disais, c'est on a bien travaillé, on a bien mérité notre journée, donc là on va aller boire un coup, on va se retrouver au bar. Si c'est un truc qu'on retrouvait dans les films plus anciens français, aujourd'hui je trouve que ça a un petit peu disparu tout ça justement. Là par contre au Japon, c'est toujours dans l'idée, et pour avoir eu le privilège d'aller à Tokyo ou à Kyoto, surtout à Tokyo en fait en période d'Halloween, ils se mettent des caisses. On va pas se le cacher. C'est... Vous trouverez plein de vidéos sur internet de japonais ivres, de salarymen ivres dans la rue qui se mettent des mines pas croyables et qui finissent complètement rabattes en plein milieu de la rue à dormir par terre, à essayer de cuver. Et je trouve ça d'autant plus choquant par rapport à la façon dont est structuré le pays, c'est-à-dire que c'est vraiment... Il n'y a pas un papier par terre, c'est propre, les gens sont polis les uns envers les autres, ils se font des courbettes de partout. Et à côté, par contre, ils se déchirent la tronche quand ils sortent du boulot. Et tu sens que c'est la libération, quoi. C'est un peu comme les années médecine où t'as tabassé pendant des mois et du coup, quand tu fais la fête, tu fais vraiment la fête, tu vois. Ouais, je vois, complètement. Sauf que eux, ils font ça tous les soirs, du coup. Alors, peut-être pas tous les soirs, je veux pas non plus faire de clichés sur la majorité, mais j'ai juste trouvé que la présence justement et la consommation de l'alcool était pas si raisonnée que nous. Et après, j'en avais discuté avec un pote, c'est peut-être un mythe, hein, mais qui m'a dit qu'en gros, eux, la chance qu'ils avaient, c'est qu'ils pouvaient faire ça en semaine, parce qu'ils métabolisaient pas comme nous au niveau de l'alcool. C'est-à-dire qu'en gros, nous, les enzymes qui font mal au crâne le lendemain matin, là, tu sais, la vieille gueule de bois qui fait que t'es incapable d'aller bosser. Et eh ben chez eux, c'est largement atténué par rapport à nous. Donc en fait, l'alcool monte très très vite chez eux. Et c'est vrai que maintenant, on avait pris une cuite avec un japonais dans un izakaya perdu dans Matsumoto de mémoire. Et vraiment, lui, il était monté très très haut par rapport à nous, même si on était quand même bien, bien cuit aussi. Je le rappelle toujours avec modération. Nous, on est majeurs, on a le droit. Mais par contre, en fait, eux, le lendemain, ça va. Toi, t'as la vieille barre sur le crâne, t'en peux plus, faut pas qu'il y ait un bruit, faut pas qu'il y ait trop de lumière, et tu peines à décuver, alors eux, c'est limpide, quoi. Ils ont passé une nuit d'enfer, ils sont endormis sur le trottoir, mais t'inquiète, le lendemain, ils sont capables d'aller bosser. Tu déconnes. Mais alors, je saurais plus exactement t'expliquer pourquoi, mais c'est une réalité. Tiens, il y en a, ils ont de la chance. Alors, je sais pas si c'est de la chance, mais c'est vraiment différent, quoi. Du coup, c'est pratique. Tu bois, bon, t'es dans le mal au début, et après, ça part très vite. Et après, tu peux recommencer le lendemain, avec tes collègues. Après, je t'avoue que je sais pas, hein, c'est peut-être, on est peut-être plus sur une légende urbaine, mais... Quoi qu'il en soit, je trouve ça assez impressionnant de... Enfin, que c'est... qu'en tout cas, si c'est un mythe, que le mythe est pris, tu vois. Parce que je suis pas... Enfin, même si toi, t'en avais peut-être pas la connaissance, c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois autour de moi, et bon, j'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter en accompagnant un salaryman le lendemain matin au travail. Mais tu vois que, ouais, c'est... Bah, c'est un délire, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi ce côté, comment dire, ils ont une culture de la prévention. Genre, ils font quand même vachement gaffe à leur santé. Ils ont toujours un moyen de, genre, t'es malade, tu prends un patch, t'as une boisson. Ouais, ils ont plein de petits trucs par rapport à ça, ouais. Ouais. Et là, j'ai fait une toute petite recherche vite fait. Et en fait, les mecs, ils ont une panoplie dans les combinis de boissons et de compléments alimentaires qui permettent de limiter les effets de l'alcool. Genre, là, t'en as un, ça s'appelle le Ukon no Shikara. C'est à base de curcuma, et apparemment, ça a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En gros, ça doit éviter un petit peu la gueule de bois. Je sais qu'ils ont des trucs pour ça, mais... T'as l'hépalyse aussi, qui permet justement de soutenir les fonctions hépatiques, donc d'assimiler plus vite, j'imagine. T'as des trucs un peu plus obscurs, genre des mélanges à base de ginseng, de réglisse, de prunes marinées... Enfin, c'est très... Avec bizarre. Un peu de saké... Du coup, je propose qu'un jour, on essaye quand même de parler un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les combini et dans les distributeurs, parce que franchement, j'ai vu des trucs dans les boissons aussi, c'est incroyable, quoi. Du jus de palourde, des algues. Oui, des algues, des... Des insectes, mais genre un peu exotiques et tout, très chelou. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Dans le combini, des insectes, j'ai pas vu ça. Alors, pas dans le combini, dans un quartier qui... Oh, je me souviens plus comment ça s'appelle, si ça... Ouais, ouais, t'inquiète. Je crois que c'est à Nakano Broadway. Ils ont tout là-bas, oui. Non, mais t'as une machine où je te mens pas, c'était vraiment tous les insectes venimeux possibles et imaginables qui étaient dans la petite machine, le vending machine où tu mets ta thune. C'est... Ça m'a surpris, je me suis dit, mais vraiment, tu peux vraiment acheter n'importe quoi, n'importe où ici. Je te laisserai goûter. Mais ça ira, je pense. Donc voilà, c'était ma petite minute pas forcément hyper sérieuse. Par contre, ce qui est sérieux, c'est qu'effectivement, on doit quand même limiter sa consommation d'alcool. Justement, si un jour on réussissait à les battre, ce serait pas mal. Enfin bon, je pense que tant qu'on sera accroché à la Bretagne, ce sera compliqué. Et puis bah, je vais te laisser... On vous aime bien les Bretons. Oui, on vous aime bien les Bretons, ça va. Et puis, bah Anthony, je vais te laisser poursuivre ta chronique si tu le veux bien. Ok, merci. Alors, nous voilà de retour dans notre quartier lointain. Seb? Oui? Si tu retournais à l'âge de tes 14 ans, avec ton esprit d'adulte, qu'est-ce que tu ferais? On est en quelle classe quand on a 14 ans normalement? 14... On doit être vers la troisième. Qu'est-ce que je ferais? Ben, je me dirais de pas m'inquiéter pour la suite, que ça va rouler, et puis que... Bon, c'est qu'une étape, quoi. Ouais, c'était pas très très glorieux, là, cette époque-là, là, le 14-15 ans, ça pouvait être le feu. Je peux comprendre. À mon avis, t'es sûrement pas le seul. Bah, puis sans rentrer dans les détails, je venais de déménager, donc c'était pas... T'étais nouvel arrivant dans un nouveau collège, tout le monde se connaît déjà depuis le début, donc c'est un peu chelou, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Mais du coup, oui, c'est exactement ce que le manga parle un petit peu. Jiro Taniguchi, pour revenir déjà à l'idée, et il a d'abord fait un espèce de rêve où il déclarait sa femme à son amour d'enfance. Et après, il a brodé l'idée. Donc, comme toi, si je remontais le cours du temps, est-ce que je pourrais profiter de tout ce que je sais pour changer l'avenir? Du coup, je rappelle vite fait l'histoire pour nos auditeurs. Hiroshi Nakahara, l'homme donc qu'on suit, se retrouve dans son village d'enfance et il a remonté le temps de 34 ans et se retrouve avec son corps d'ado mais son esprit de quarantenaire. Il croit d'abord que c'est un rêve, mais il se retrouve dans sa maison familiale avec ses proches dont il va nous spoiler leur futur et espère que le lendemain ça sera terminé. Et non! Sauf que Hiroshi, il est marié, il a deux filles et il est inquiet au début. Enfin, ça semble logique. Ça semble logique. Il croit qu'elle l'attende. Mais en vrai, il n'en sait rien, vu qu'il est dans le passé. Alors on fait quoi en attendant? On fait avec. Hein. Tu sais pas comment c'est arrivé, mais tu dois te retaper tes cours, tes instits, tes potes. Et avec ton cerveau d'adulte, tu analyses un peu plus la situation familiale. La mère qui prend soin de la grand-mère, le père qui travaille beaucoup, et la petite sœur qui a des rêves plein la tête, mais dont le futur est bien plus terre à terre. Bon, du coup, on fait ce qu'on peut. Et comme papa, il va partir acheter du lait, autant essayer de faire quelque chose, quoi. Vous aurez compris, à part le voyage dans le temps, on est sur une histoire très terre-à-terre. Pas de magie, pas de combat, pas d'expérience scientifique chelou. Non, juste des tranches de la vie quotidienne et de relations entre les personnes et notre protagoniste. Encore une fois, de l'émotionnel, voilà. De l'émotionnel. Tout le monde se l'est déjà dit. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ça, c'est là que j'aurais dû faire quelque chose. Big Flo et Oli, on en fait une chanson. Je la mettrai pas parce que je l'ai trop entendu. Et le manga, il prend place dans les années 60 du Japon et Hiroshi retrouve un quartier dans lequel il n'était pas allé depuis la mort de sa mère, elle qui les avait élevés seuls avec sa sœur quand son père a disparu. Là, évidemment, il les retrouve tous, il est ému, il pleure, et d'un coup, bam! Ça va pas, Hiroshi, qu'est-ce que t'as? Arrête de faire l'imbécile, viens à table! Une nostalgie soudaine qui, je pense, viendrait à toute personne si celle-ci aime sa famille. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, il se retrouve dans la situation où lui, comme il sait déjà ce qui va se passer et qu'il bah, c'est normal d'avoir cette émotion-là, alors qu'au final, eux, pour eux, c'est une journée lambda, et ils interagissent comme si bah, c'était une... Oui, c'était la continuité de... d'hier. Et du coup, t'as tout ça qui remonte, hein. Il les voit, et du coup, mon père, il va partir. Ma mère, elle va décéder à l'âge que j'ai. Ma sœur, bah, elle veut devenir actrice ou danseuse, etc. Elle va finir mère au foyer, etc. Bon. Tu veux dire que mère au foyer, c'est pas une bonne situation ? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Je ne critique pas du tout. Je mère au foyer, j'essaie juste de le mettre mal à l'aise. Tout va bien, tout va bien. Et du coup, elle avait plein de rêves et elle finit comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, non mais ça se comprend, t'es un peu loin de tes ambitions, quoi. Hiroshi redécouvre son corps d'enfant, hein. Du coup, son cerveau n'est pas le même. Et du coup, il se sent plus souple, moins lourd. Et il se sent plein d'énergie. Et même en cours, son esprit de 48 ans, et bah, du coup, c'est d'une grande aide pour cette âme de matière. Et il va y retrouver, du coup, ses camarades. Mince, lui, il va mourir dans un accident de moto. Ah. Lui, il cache des revues porno. Lui, il veut devenir écrivain. Elle souhaite partir étudier à l'étranger. Bah, du coup, c'est compliqué de ne pas passer pour un fou. Comment faire pour aider sans paraître trop familier ? Bah, faut rien dire. Faut rien dire, sauf que bah, c'est un peu emboulé dans le manga. Hein. Il se rend pour la première fois chez un ami, il écarte des livres, il prend la bouteille d'alcool qui est juste derrière. Bah, comment tu savais qu'elle était là ? Bah, tu m'en avais déjà parlé ? Bah non. Ah, bon, bah... hasard de dingue. Oui, je vois bien le sens de la propos. Du coup, est-ce qu'il peut aider ? Et s'il aide, est-ce qu'il va changer le futur qu'il a déjà fait ? Et si c'est le cas, est-ce qu'il reverra sa propre famille ? Bref, on oscille entre le mal-être un petit peu psychologique de l'adulte et l'insouciance de retrouver son corps d'enfant. Et ça, c'est pendant un premier temps. Car après quelques jours, ben, autant en profiter, hein, avoir de meilleures notes, bien se faire voir par les profs, par les autres camarades, et même parler à la plus jolie fille du bahut qui t'adresse la parole, ce qui n'était pas arrivé la première fois. Et puis il y a les bêtises aussi, hein, se rendre chez son pote, se taper dans le whisky, oublier qu'on tient pas l'alcool, à 14 ans surtout. Oui, c'est pas le même métabolisme là pour le coup. Se rendre dans un resto alors que c'est interdit aux fumeurs, aux mineurs, désolé, j'ai répété avec le mot d'après. Fumer avec la racaille du collège et sortir des rêves des années 90 alors qu'on est dans les années 60. Aïe, t'es un peu bizarre, mec. Et lui, comment il ressent tout ça ? Bah, ça passe aussi par pas mal de réflexions, d'incompréhension. Parler au cliché de la jolie jeune fille de la classe, oui, mais il a plus de 40 balais, c'est une gamine pour lui, c'est bizarre. Oui, c'est un peu dérangeant, c'est sûr. C'est un peu dérangeant, et surtout qu'il a des filles. Et quand il parle à ses proches avec des mots d'adulte, ben, ça peut paraître chelou, là aussi. Bah ouais, parce qu'il est beaucoup plus éloquent. Mmh, bien sûr, il te sort des mots, il te sort des trucs, il n'agit pas comme un enfant de 14 ans, en fait, il est plus à l'écoute, il répond. Alors qu'un enfant de 14 ans, en vrai, enfin, moi j'étais plutôt... On s'en fout un peu de tout ça. Et du coup, ça c'est pour la première partie. Dans la deuxième partie du manga, qui s'annonce un poil plus sérieux, il voudrait faire en sorte de comprendre pourquoi son père quitte la maison. Alors qu'a priori, ben, et contrairement à d'autres de ses camarades, tout va bien dans la famille d'Hiroshi. Il va essayer de comprendre, découvrir un petit secret familial. À la base, son père ne voulait pas rester dans le coin. Il est le second mari de sa mère, et les années passant, il a jamais pu faire ce dont lui rêvait. Et là, la comparaison avec la vie de père d'Hiroshi, lui-même, elle apparaît un petit peu. C'est un daron qui rentre souvent tard, souvent alcoolisé, hein, comme quoi, on est vraiment dans le bon truc, qui est une attitude typique des costards-cravates japonais. Ses filles, plutôt ados, ne lui parlent plus trop, car elles coupent souvent la discussion et il les écoute à peine. Alors que son père à lui, là, actuellement, il est présent, il est sérieux, il est dans la communication, c'est lui qui vient le chercher quand il se prend une cuite chez le camarade. Mais du coup, après s'être pris une baffe, bah, ils en parlent quand même, et il dit, bah, pas en parler à sa mère. Et, viens, on s'arrête, on prend des ramen et on discute. Et finalement, lui non plus, c'est peut-être pas un père parfait. Hein. Lui aussi, il est en train de fuir sa vie, future certes, en essayant d'améliorer ce qu'il regrettait. Mais alors, du coup, la question, c'est est-ce qu'à la fin, on sait si ça change quelque chose ou pas ? Est-ce que je spoil ? Bah, il s'est sorti il y a longtemps. C'est sorti il y a longtemps. Bon, ah, 2002. À la fin, il se réveille et en fait, il retrouve sa femme, il retrouve ses filles. Il a l'impression d'avoir rêvé tout ça. Et il reprend le train de retour après, parce qu'il est quand même allé dans la ville. Mm-hmm. Il reprend le train de retour et il reçoit quand même arrivé chez lui, il reçoit un colis. De ses filles disent « Oh, c'est le colis de tel écrivain, je savais pas que tu le connaissais. » Ben, je le connais pas, je sais pas qui c'est. Et en ouvrant la couverture, il voit le vrai prénom de l'écrivain, et du coup, c'est un de ses camarades de classe dont il disait « Bah, toi, tu vas devenir écrivain. » D'accord. Donc, est-ce qu'il a changé le passé? Je sais pas, mais il y aurait peut-être un petit truc, oui. Ouais, c'est pas con parce que ça laisse une ouverture, c'est bien qu'ils aient fait ça comme ça, en mode c'est ça pas non plus, ouverte, ça, ça change pas, enfin comment dire, ça a pas changé le cours des choses, mais peut-être qu'un petit peu quand même, enfin ouais non c'est bien. Du coup pour en revenir, bah, c'est un peu la force du manga, on se retrouve à se demander est-ce que Hiroshi va influencer sa propre histoire, en bien, en mal, son père est-ce qu'il va réussir à faire rester son père? Est-ce qu'il va créer un paradoxe et faire débarquer le visiteur du futur? Non. Est-ce que McFly va arriver sur... Non, c'est bon. On est dans la nostalgie pure, les regrets, les remords des personnages. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Ben, en fait, oui et non. Est-ce qu'on peut faire mieux? Ou alors, c'est le destin, on n'y peut rien. Bref, sujet. Comment accepter le temps qui passe? Vous avez 4 heures. Ouais. Voilà, je vous laisse un peu de temps. Là, je trouve ça vraiment bon, par contre, que dans l'histoire, il se soit limité à dire « Je travaille que sur la période des 14 ans et je montre pas si ça a une influence ou pas. » Je trouve ça chouette. Je pense que c'est là qu'il a expérimenté pas mal de choses. Et puis le marqueur, le truc marqueur, c'est son père qui part au début de l'été. Et du coup, il sait quand ça arrive, il comprend un peu pourquoi. Et finalement, il arrive à le confronter juste avant que celui-ci disparaisse. Et là, dans une discussion vraiment, entre guillemets, très adulte, hein, son père se demande si c'est bien son fils. Ouais. Celui-ci va lui expliquer, bah, en fait, j'ai été heureux avec vous, je vous aime de tout mon cœur, mais il y a des choses que j'ai pas pu faire, et je pense que c'est le bon moment, en fait. Tu es grand, ta sœur, tu peux t'en occuper, ta mère, elle est au courant que ça pouvait finir par arriver. Et du coup, il y a des choses que j'ai envie de faire, que je voulais faire, j'ai pas pu, et c'est le bon moment. Donc je vais acheter du lait. Alors, très bien. Je pars acheter du lait. C'était la mode à l'époque. Et à la fin du manga, quand Hiroshi prend le train pour repartir, qui sait qu'il voit sortir du train? Eh ben, c'est son père. Il en est pas sûr déjà de base, et il voit le train s'éloigner, et lui sur le quai, il peut rien faire. Pour parler un peu du style, comme je l'ai dit au début, Jirō Taniguchi, il aime bien les BD européennes. Et comme ces histoires sont très réalistes, posées, réfléchies, on se retrouve avec un manga qui ressemble à un roman illustré, avec des cases bien découpées, parfaites, avec un scénario bien lisible. Des décors, des environnements et des personnages très posés, bien détaillés, mais avec un trait fin. Des cases qui sentent la nostalgie à plein nez. Et je dis ça alors que j'ai pas 40 ans. Hein. Ouais, enfin bon, on est déjà plus proche de la quarantaine que de la trentaine maintenant. Non, pas moi, pas encore. Le livre en lui-même est édité à la manière française, cela pour permettre au lecteur de ne pas être dérangé dans l'histoire, puis j'imagine aussi pour permettre l'arrivée de nouveaux lecteurs. Et comme j'ai découvert ce manga au lycée, bah c'est vous dire le vieux qui sommeille moi quand j'ai ouvert cette œuvre. Et alors que j'étais à fond dans les mangas de baston, je suis tombé sur cet ovni et j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Alors, manga est très rapide à lire, donc je vous encourage à y jeter un œil si vous en avez l'occasion. Alors j'ai vu que la couverture pour l'instant, mais ça me fait quand même penser à un style très traditionnel sur la façon de dessiner. Les visages sont assez carrés, comme tu disais, un petit peu classique. Bah moi ça me fait penser un petit peu à Monster, à tout ça, tu vois, dans le style, enfin en tout cas juste sur la couverture, hein, j'ai pas feuilleté, mais c'est, oui on est sur une période, tu dis il est sorti dans les années 2000, mais oui bah c'est oui. Ça en fait, hein, ça fait très emprunté quand même au très classique Ah, j'ai mangé son nom alors que c'était notre première émission. Il a fait Monster et il a fait quoi d'autre aussi à côté, qui est très connu? 20th Century Boy. Voilà. Je trouve que ça ressemble beaucoup. Du coup, sinon ça va m'échapper. Monster qui est de... Eh ben non, parce que là ça me met les boissons. Je couperai ça au montage, tant pis. Eh ben c'est dommage que tu veuilles le couper parce que moi j'ai envie de le laisser. Ça me permet de rappeler que en fait tu as rencontré cet auteur pendant une Japan Expo avec un ami commun et que lors du premier épisode t'as dit que tu ne voyais même pas qui c'était. Non, je vois pas qui c'est. Naoki Urasawa? Bof. Donc tu laisseras 7 minutes de gênance, c'est pas grave. C'est mérité. Je voulais juste terminer avec ce petit extrait. Et si c'était ça, l'éternité? Un simple ciel. Immuable, au-dessus des hommes, au-delà du temps. Personne ne devient jamais vraiment adulte. L'enfant que nous avons été est toujours là au fond de nous. Il est comme le ciel. On croit grandir avec le temps, mais la maturité n'est qu'un leurre. Une entrave à notre âme libre d'enfant. Voilà, une petite réflexion qui s'est faite alors qu'il était assis sur un banc à regarder le ciel, et je trouve ça plutôt joli. Donc Oui, voilà, ça, j'en ai terminé avec Quartier lointain. Mais ayant vu le film Le Sommet des Dieux, et comme je suis quasi sûr d'avoir lu une autre de ses œuvres, il n'est pas impossible qu'on en reparle un de ces quatre. Mais sinon, Seb, t'en as pensé quoi de cette chronique? Est-ce que j'étais assez clair dans ce que je voulais dire? Oh oui, très clair, et c'est bien parce que même si tu dis que t'as spoilé, ça donne quand même envie de le lire. Je dis pas que je me l'achèterai pas, tu vois. J'ai commencé à regarder si je pouvais le trouver à moindre coût, et il y a quelques dispos, donc c'est pas impossible que je me laisse tenter. Surtout que bon, un volume ou deux, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Je devrais trouver un endroit dans l'étagère pour le ranger. Ah, ça fait plaisir. Oui, quand je te dis, comme on l'a dit, c'est un seul tome, mais du coup, c'est vraiment les relations humaines. Alors, selon l'expérience familiale, évidemment, tout le monde n'a pas la même chose, mais on peut être en capacité de comprendre pourquoi tel ou tel personnage a réagi comme ça dans l'histoire, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le manga. Ok, bah, écoute, tu les as en plus, toi, en physique? Non. Super. J'ai cru que j'allais pouvoir te les taper. Bon, bah, c'est pas grave, je vais devoir les acheter. Mais t'es pas obligé d'acheter. Il y a les médiathèques maintenant. C'est pas faux. Mais c'est vrai que pour un tome, Ça peut pourquoi valoir pas, le je devrais coup. peut-être en Ouais, acheter. Ça peut valoir le coup. ça marche. Bah, en tout cas, je te remercie, c'était très clair et ça donne envie. Merci beaucoup. Et vous aussi, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et s'il y a des œuvres que vous voudriez qu'on aborde, dites-le nous toujours. En espérant que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, nous vous souhaitons de simples lectures et on vous dit à la prochaine. Salut, salut! Salut! Et sinon, Seb, de quoi on parle la prochaine fois? Eh ben, d'un ovni, puisque dans celui-ci, c'est bien un manga, mais il y a un petit peu de couleur. Tu veux dire qu'il est édité en noir et blanc ou en couleur? Il est édité en noir et blanc, mais par Mais... moments, il y a de la couleur, et ça traite de l'absence, ou du coup, l'amoindrissement des couleurs dans le monde. Mais j'en dis pas plus, on en parlera la prochaine fois. Oh, ça a l'air cool. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Ok, let's go.